Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gourmet du Pré 1862. Question 63. Du caractère sacramentel. Certains sacrements impriment un caractère. Définition du caractère. Son siège. Le caractère est indélébile. Tous les sacrements ne l'impriment pas. 1. Y a-t-il des sacrements qui impriment un caractère dans l'âme? Saint Paul dit, Dieu nous a oint et nous a marqués de son sceau. 2 Corinthiens 1, 21. Nous le disions plus haut, outre que les sacrements nous guérissent des maux du péché, ils confèrent aussi à notre âme la perfection nécessaire à la vie chrétienne pour tous ceux qui regardent le culte de Dieu. Or il est d'usage que, quand on confie à quelqu'un une fonction spéciale, on lui donne des insignes qui s'y rapportent. Dès les temps les plus reculés, les soldats ont reçu certaines marques visibles propres à caractériser leur office extérieur. Si donc les sacrements consacrent les hommes à quelque chose de spirituel à l'égard du culte de Dieu, ils impriment la marque d'un caractère spirituel dans leur âme. Saint Augustin dit à ce sujet, si un soldat, refusant de combattre par crainte, déshonore le caractère de la profession des armes dont il porte les insignes sur son corps, et qu'ensuite, implorant la clémence de l'empereur, sa grâce obtenue, il marche à l'ennemi, est-il besoin de lui rendre son caractère? Non, mais on le lui confirme. Après l'avoir reconnu, les sacrements du Christ auraient-ils moins de durée que les marques extérieures de l'état militaire? 2. Le caractère est-il une puissance spirituelle? Le culte de Dieu, auquel les sacrements de la loi nouvelle consacrent les hommes en leur imprimant un caractère, consiste dans la réception et l'administration de certaines choses divines. Or une puissance est requise dans ces deux cas, car il faut, pour administrer une chose à autrui, une puissance active, et, pour la recevoir d'un autre, une puissance passive. Le caractère emporte donc une certaine puissance spirituelle en ce qui touche au culte divin, puissance instrumentale, toutefois, comme la vertu attachée au sacrement, il appartient principalement au ministre de Dieu. 3. Le caractère sacramentel est-il le caractère de Jésus-Christ? Recevoir ou administrer les choses du culte de Dieu, tel est proprement le but du caractère sacramentel. Or tout le rite de la religion chrétienne dérive du sacerdoce du Christ. La conséquence s'offre d'elle-même. Le caractère sacramentel est le caractère spécial du Christ, au sacerdoce duquel les fidèles sont rendus semblables par une sorte de participation que ce caractère leur communique. Note. Comme les soldats choisis pour combattre sont marqués du signe de leur chef et lui ressemblent sous quelque rapport, ainsi le fidèle consacré au culte chrétien reçoit un caractère qui le rend semblable au Christ, caractère qui est celui du Christ même. Fin de la note. 4. Le caractère réside-t-il dans les puissances de l'âme? Le caractère a pour sujet les puissances de l'âme, et non son essence. En effet, il est un sceau qui donne à l'homme l'aptitude nécessaire, soit pour recevoir, soit pour administrer aux autres les choses du culte divin, qui se compose d'actes déterminés. Or ce qui se rapporte aux actes humains, ce sont les puissances, et non l'essence même de notre âme, laquelle constitue notre être. Note. De ce que la grâce repose dans l'essence de l'âme humaine, il ne s'ensuit pas que le caractère y soit pareillement. Il réside dans sa partie intellective, là où est la foi. Fin de la note. 5. Le caractère est-il indélébile? Nous l'avons dit, le caractère sacramentel est une sorte de participation du sacerdoce du Christ. En d'autres termes, Jésus-Christ possède la plénitude du sacerdoce spirituel, dont les fidèles prennent la ressemblance par le caractère, qui leur confère une certaine puissance spirituelle à l'égard des sacrements et du culte de Dieu. Or le sacerdoce du Christ est éternel, car il est écrit « Vous êtes prêtre pour l'éternité », selon l'ordre de Melchisédek, psaume 109, 4. Il en résulte que toute consécration qui en provient est perpétuelle, tant que l'objet consacré subsiste. Les choses inanimées en sont un exemple et une preuve, une église, un autel, conservent leur consécration jusqu'à leur destruction. L'âme étant le sujet du caractère par sa partie intellective, qui est impérissable, elle conserve le caractère d'une manière indélébile. Note. On ne réitère pas le caractère du baptême aux apostats qui reviennent par la pénitence, on juge donc qu'il ne peut se perdre. Comme puissance instrumentale, il dépend d'un agent distinct de lui. Quelle que soit l'énergie avec laquelle la volonté se porte au mal, il subsiste, parce que le principal moteur reste immuable. Il subsiste même après la vie, chez les bons, pour leur glorification, et chez les méchants, pour leur ignominie. Fin de la note. 6. Tous les sacrements de la loi nouvelle impriment-ils un caractère ? On ne réitère pas les sacrements qui impriment un caractère. Or il y a des sacrements que l'on réitère, par exemple, la pénitence et le mariage. Donc tous les sacrements n'impriment pas le caractère. Trois seulement ont cette propriété, le baptême, qui donne le pouvoir de recevoir les autres sacrements, l'ordre, qui confère la puissance d'administrer les sacrements aux autres hommes, la confirmation, qui, ainsi qu'on le verra, a la même fin que le baptême. Note. Pour qu'un sacrement imprime le caractère, il est nécessaire qu'il confère à l'homme une sorte de consécration qui le destine à faire ou à recevoir une chose relative au culte que le sacerdoce du Christ rend à Dieu. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.